Oui, c'est pour ça, Nesit. C'est notre job pour apporter cette paix. La paix se brasser, bardasser tout autour de nous là-dedans. Brasser et bardasser. Comment tu aimes ça, hein? Des paroles dont on n'use pas trop souvent. Pas trop souvent. Et c'est ça ici, là, la mémoire. On va commencer avec qui, notre mot du jour. Oui. Qu'est-ce que c'était le mot du jour de ce ça? Ça, c'est un bon réticite, là, de mischievous. Mischievous? Yeah, t'es familier avec ça, oh, hein? Oui. I've been called that. Brigand. Brigand, yes, I've heard that term. Canaille. Oh, yes. Malfaisant. Oh. I've heard of malfaiteur. Malfaisant? Yeah. This is a la mischievous child is a brigand. Mischievous person is canaille. Mm-hmm. Macaque, malicieux. Oh. So if you are called a macaque, you're a mischievous person. Never heard that one. Well, ça c'est quelque chose de nouveau. Yeah. Not a mischievous female. Oh, no, no. Mischievous or hyperactive. I want le job encore. Le job encore? Yeah. Mischievous or hyperactive. Mm-hmm. Okay. How about act mischievously? Now, you've heard that term before more than one time. What is that? Faire les quatre cent coups. Oh, yes. And if you translate that directly into English, it doesn't make any sense. No, Judy, I don't. Quatre cent coups, which means what, 400 hits? Yeah.